Bonjour à tous et bienvenue dans Girondin Analyse. Pour cette émission spéciale aujourd'hui en compagnie de Lucas, nous recevons Patrick Favier, journaliste pour le journal Sud-Ouest, passionné du sport et d'économie. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Comment allez-vous dans cette période, on va dire, un peu trouble de Covid? Est-ce que ça va dans votre métier? Oui, ça va. Évidemment, la presse et tous les médias souffrent de la crise comme beaucoup d'entreprises, mais nous, on a la possibilité de faire du télétravail et l'actualité ne faiblit pas, surtout celle des Girondins en particulier. Donc, il y a de quoi s'occuper. On remercie évidemment le journal Sud-Ouest pour d'avoir accepté cette émission avec nous et puis on vous remercie Patrick. On va commencer avec un petit récapitulatif du rachat. En fait, il y a 18 mois, les Girondins ont été rachetés à M6 par GACP et King Street. Il y a eu plusieurs plans sur cette reprise-là. Comment ce rachat a évolué au cours de ces 18 derniers mois? Alors, l'évolution évidente, c'est que GACP, qui était un partenaire minoritaire, un actionnaire très minoritaire, qui avait la direction du club, a été éjecté par King Street. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont, on oublie souvent de le préciser, les premiers responsables du dérapage financier du club et aussi d'un certain manque de résultats financiers et sportifs. Ils étaient quand même sous le contrôle d'un représentant de King Street au conseil d'administration, hein, donc King Street n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Mais ça a été la première période. Et depuis la fin de l'année 2019, King Street est seul aux commandes, a musclé sa présence au conseil d'administration et essaye de remettre de l'ordre dans les comptes du club. Remettre des comptes dans l'ordre, oui, parce qu'on entend quand même parler d'un déficit qui serait assez faramineux. Alors, c'est des rumeurs, on entend ça, on entend parler de 50 millions, 60 millions de déficit. Pour un budget de 60 millions, est-ce que ça commence pas à être vraiment dangereux pour le club? Alors, bien sûr que c'est dangereux, mais c'est pas non plus tellement nouveau ni propre à cette année. Pour resituer un peu, quand M6 est aux commandes, grosso modo, le déficit avant transfert de joueurs, hein, avant le solde des transferts, c'est autour de moins 20 millions chaque année. Donc, les ventes de joueurs permettent d'en éponger une partie, et puis M6 éponge le reste. Dès l'année 2018-2019, où GACP est principalement aux affaires, à partir de décembre, janvier, on passe déjà moins 50 millions de déficit avant transfert. Après transfert, on se retrouve à moins 26 millions. King Street a dû éponger. C'est pour ça que King Street reprend la main. C'est que ça commence à partir en vrille, notamment parce qu'on écoute les NCG, et c'était le plan de GACP, prévoyait des économies de charges, c'est-à-dire de dépenser moins. En fait, on s'est retrouvé avec une augmentation de charges chiffrée par Joe Dagrossa lui-même. Il en était fier à plus 11 millions. Donc, gros dérapage. Et à l'époque, certains citaient ce chiffre de moins 50 millions avant transfert. Il y a certains supporters qui disaient non, c'est pas possible ou c'est exagéré. Non, c'était la réalité. Sera-t-il cette année? On est sur la même pente. En plus, la crise économique et sanitaire est passée par là. Ça sera au moins moins 50 et plus probablement moins 60. Moi, j'ai entendu des chiffres qui disent entre 20. C'est au moins moins 60, oui, avant transfert. Et l'autre point intéressant de la situation, c'est que il y a un an de cela, il y a des joueurs à vendre, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni. Aujourd'hui, pour passer cette période, il évident que le capital de joueurs à vendre, beaucoup moins important, qu'on peut attendre beaucoup moins de recettes. C'est pour ça que la situation est spécialement tendue. Alors, quand le club a été racheté, on avait lu le plan comme quoi il y avait des crédits qui étaient ouverts au nom des Girondins de Bordeaux. On entendait parler de 50 millions, on en parlait tout à l'heure en off. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est utilisé? Comment c'est? Est-ce que ça rentre dans les moins 26 que King Street a épongé? Il y a pas mal de questions. Les moins 26 millions, c'est après dont on parle, que King Street a épongé après les ventes de joueurs. C'est le résultat d'exploitation de l'année. Donc c'est un peu compliqué de mettre les dettes, l'endettement là-dedans. Ce qui est important, que effectivement dans le montage du rachat du club, il y avait de l'argent frais apporté par 68 millions d'euros, 2 millions de GACP. Et après, il y avait dans ce montage, pour acheter le club, pour financer de la trésorerie, c'est-à-dire apporter de l'argent frais, 40 millions d'euros d'emprunt auprès de ce fameux fonds Fortress. Taux d'intérêt de 9,5%, donc c'est très cher. Plus, alors ça, ces 40 millions, c'est un emprunt qui a été contracté au moment du rachat. Ça, il a été, y a cette dette qui pèse sur les Girondins. Elle pèse bien sur les Girondins, sont bien les Girondins, le club qui doit le rembourser, pas King Street, directement. Évidemment, si les Girondins ont un problème, après, ça retombera sur King Street, mais... Voilà, il y a ces 40 millions au moment du rachat, et ensuite, ce qu'on appelle une ligne de crédit, c'est-à-dire une enveloppe de 55 millions à disposition des Girondins. Là aussi, les Girondins peuvent l'utiliser à la hauteur, dans la limite de 55 millions. Ils sont aussi remboursables dans 4 ans, donc en 2022, au taux de 9,25. Là, on ne sait pas à quelle hauteur cette enveloppe a été utilisée. Donc il y a au moins 40 millions de dettes, plus une partie de 55 millions. Il n'y a que les dirigeants qui le savent à ce jour. Si vous voulez, il y a les pertes d'exploitation dont on parlait tout à l'heure. Le club dépense plus qu'il ne gagne. Puis il y a en plus la situation de l'endettement en toile de fond, rappelant que si les Girondins ne peuvent pas payer, l'emprunt est garanti par les Girondins eux-mêmes. C'est-à-dire que si les Girondins ne peuvent pas rembourser, bien, c'est le club qui passe entre les mains de Fortress, qui a le club comme garantie. On n'en est pas là, hein, on n'en est pas là, mais c'est le système. Lucas, tu as une question? Allô, Lucas? Bon, il n'est pas là. Par rapport au déficit, on entend bientôt il va y avoir un passage devant la DNCG. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de la DNCG, de son rôle dans le foot français? Alors, la DNCG, elle a une mission essentielle qui est de s'assurer qu'un club commence une saison capable de la finir, c'est-à-dire qu'il sera capable de payer ses salaires, les impôts, les charges, les taxes. Au moins ça. Donc ça veut dire qu'il doit être, elle contrôle la solvabilité du club. Il ne faut pas qu'il y ait une défaillance du club en cours de saison. Ordinaire, c'est avant le 30 juin, là où les clubs clôturent leur exercice financier. La saison 2019-2020, donc c'est au 30 juin 2020. Ça sera au 30 juin 2021 pour la suivante. Un peu avant le 30 juin, là, ça sera peut-être après à cause de la crise du Covid, mais enfin bon, on ne sait pas. Elle regarde donc quelle a été l'exploitation du club pour la saison écoulée. Donc là, on s'attend à un déficit. Elle regarde le budget que présente le club pour la saison suivante. Donc, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde que si le club a une perte d'exploitation, le cas des Girondins, perte d'exploitation puisse être compensée par des ventes de joueurs. Il y a un an, Bordeaux s'en était tiré comme ça avec les perspectives de vente d'un certain nombre de joueurs, qui d'ailleurs n'ont pas tous été vendus, c'est une source de difficulté. Et donc, les Girondins vont pour arriver devant la DNCG avec l'obligation de dire voilà, on a donc telle perte, donc probablement au moins 60 millions d'euros. On va la combler en vendant tel ou tel joueur à tel prix. La DNCG regarde si ces prévisions-là sont cohérentes. En général, les clubs gonflent un peu leur espoir de vente, les chiffres des transferts qu'ils attendent, et la DNCG retaille ça un peu pour que ça soit réaliste. Et puis, comme il, dans le cas des Girondins, on ne va pas vendre pour 60 millions d'euros de joueurs, parce qu'on ne les a pas, il faut que l'actionnaire comble les trous en s'engageant à porter des fonds propres, alors en compte d'actionnaire, en compte courant, c'est-à-dire de l'argent frais sur les comptes, ou en garantissant, en s'engageant financièrement d'une façon ou d'une autre. A priori, King Street va le faire. Frédéric Longuepée a dit dans une interview à l'équipe King Street recapitaliserait le club. Et c'est ce que va attendre la DNCG. Mais elle attend aussi le budget de l'année prochaine qui soit un peu meilleur que celui de l'année écoulée. Donc, elle attendra peut-être sûrement des réductions de charges. Avant même la crise du Covid, c'est ce qu'elle attendait, des réductions de charges et aussi une augmentation des fonds propres. C'est-à-dire que pour toute dette nouvelle du club, si le club s'endette pour assurer son train de vie, il faut que l'actionnaire mette de l'argent en face pour garantir que effectivement il aura les moyens d'aller au bout de la saison en payant ce qu'il doit. C'est ça l'examen de la DNCG. Il sera évidemment particulièrement périlleux cette année à cause de la crise sanitaire. Il sera particulièrement périlleux pour Bordeaux, et un des trois clubs qui perd le plus d'argent, et largement comme Lille, avec Lille et Marseille. Et il sera aussi périlleux pour une autre raison, c'est que cette année, en raison de la crise, on ne sait pas trop ce que sera le marché des transferts. Il risque d'être beaucoup plus calme et moins rémunérateur que les années précédentes. Alors, justement, vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Lucas. Ah, merci. Oui, Patrick, justement, vous parliez justement tout à l'heure du déficit avec M6 qui pouvait être comblé justement par la vente des joueurs. Là, cette année, comment dire, comme vous l'avez dit, le marché des transferts risque d'être plus calme. Et je m'en remets à vos compétences économiques à vous. La valeur des joueurs post-Covid a sans doute dû extrêmement baisser au Girondins de Bordeaux. Est-ce qu'on peut vraiment espérer, est-ce que King Street peut vraiment espérer pouvoir, comment dire, combler ces 60 millions d'euros de... Enfin, 60 millions d'euros, je ne crois pas que ce soit le chiffre que... Si, je crois que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, 60 millions d'euros, oui, minimum. Si les 60, ouais. Excusez-moi, si les 60 millions d'euros vont pouvoir être comblés uniquement par la vente des joueurs, parce que ça va être très difficile de pouvoir, comment dire, atteindre une telle somme avec, ce type de recette. Ça, pour les supporters, que c'est extrêmement intéressant parce que ça engage la valeur sportive de l'équipe l'année prochaine. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails de sportif, c'est mon rayon, même si je m'y intéresse évidemment beaucoup. Et c'est évident qu'une fois qu'on a vendu et Tchouaméni, on a dans l'effectif quand même moins de joueurs à vendre, ce qu'on appelle l'actif joueur. Beaucoup moins important que l'année passée. En plus, vous avez l'arrêt de la compétition où il y a des joueurs qui n'ont pas pu se montrer, qui auraient pu éventuellement avoir de la valeur. À Bordeaux, les joueurs qu'on pouvait vendre le plus cher, c'était Camano, c'était Kalou. On ne peut pas dire que évidemment ils ont eu l'opportunité de se mettre très en valeur. Et en plus, la situation, enfin ce qu'on soit pas peut-être dans toute son ampleur aujourd'hui, c'est l'impact de la crise économique sur le business du sport, quoi, sur l'économie du sport. C'est une des plus impactées. Stéphane Martin, l'ancien président des Girondins que j'avais interviewé il y a pas longtemps, relevait à juste titre que au même titre que le tourisme par exemple ou que les transports, c'est un des secteurs d'activité les plus impactés. Donc, quand il y a moins d'acheteurs, eh bien, évidemment, les prix sont élevés. Y a un cas qui est intéressant aujourd'hui, c'est les rumeurs autour de Bernardoni, qui est évalué à, on pensait 5 millions, que Nîmes pourrait l'acheter pour 5 millions. Apparemment, Angers serait prêt à mettre 8 millions à la table. Bon, alors en période de mercato, il y a beaucoup des rumeurs et surtout sur les chiffres. On verra à combien ça sortira. Mais aujourd'hui, quel club pourrait mettre, mettre une somme pareille sur un joueur comme Paul Bernardoni, qui est très bon, mais contexte économique étant ce qu'il est. Aujourd'hui, quel club pourrait mettre 15 millions sur François Camano qui a très peu joué, il y a une grande incertitude. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir. Ça dépendra combien King Street est prêt à mettre sa poche pour éviter de trop vendre. S'il décide qu'il faut vendre pour 40 ou 50 millions, voilà, il va falloir vendre énormément de joueurs. Mais la perspective générale, moi je ne suis pas un spécialiste du mercato, pas un spécialiste de la valeur des joueurs, je ne veux pas faire mon savant, mais la perspective générale, on la voit bien quand même, c'est que ça va être difficile. On peut s'interroger en tout cas sur la valeur sportive de l'équipe de l'année prochaine. Et justement, pour revenir, je me permets, c'est juste une question sur vos propos. King Street, extérieurement, comment dire, aux gendarmes de Bordeaux, est extrêmement souffrant aussi du contexte économique. Jusqu'à combien, comment dire, King Street peut justement investir en termes de capitaux propres, pardon, sans pour autant se mettre en danger, comment dire, on va dire, financièrement. Alors, moi, je n'ai pas de compétences dans ça, mais je vais vous citer le responsable d'une société de gestion, c'est-à-dire un petit fonds d'investissement que j'avais interviewé il y a pas très longtemps, qui expliquait très bien les choses. A priori, les fonds, enfin en général, les fonds comme King Street, quand ils achètent une société, les Girondins, créent un sous-portefeuille, en quelque sorte. Donc, c'est pas... Leurs 20 milliards, si vous voulez, sont divisés en petits portefeuilles où, avec chacun de ces portefeuilles, ils vont acheter une dizaine de sociétés. Et donc, ils prévoient une enveloppe, grosso modo, pour rentabiliser leur investissement. Quelle est aujourd'hui l'enveloppe de King Street ? Combien King Street est prêt à mettre d'argent dans les Girondins pour redresser les comptes et essayer de valoriser ce club pour pouvoir le revendre sans perdre de l'argent et éventuellement en gagner. Personne ne le sait, ça. Personne ne le sait. Pour le moment, ils l'ont fait. D'après donc l'interview de Frédéric Longuépé, ils ont l'intention d'assurer leurs engagements cette année. Mais personne ne le sait. Et le spécialiste que j'interrogeais, là, M. David Armstrong, disait s'ils estiment aussi que ça leur coûte trop cher et que ça ne leur apportera jamais rien, ils peuvent céder le club. Et il y a un autre exemple qui est intéressant, un exemple sur lequel on peut peut-être s'appuyer, c'est le rachat du fonds d'investissement Colony Capital. Racheté le PSG à Canal+. Et donc, avant de le vendre au Qatar, au fonds d'investissement du Qatar, et Colony Capital avait gardé le Paris Saint-Germain pendant des années, et c'est un Paris Saint-Germain qui n'y a pas beaucoup, qui n'y participait pas beaucoup aux Coupes d'Europe, qui perdait de l'argent. Ils ont, je ne me rappelle plus, je crois que c'était au moins 6 ans, peut-être 8 ans, ils ont gardé le club jusqu'à ce qu'ils trouvent un repreneur pour le racheter. King Street peut aussi très bien faire ça. Là, j'avoue que moi, je ne peux m'en remettre que ce que me disait le spécialiste sur les différentes options. D'accord. Ce qui est clair encore, j'ajoute un petit mot, c'est que depuis le début, on le sait depuis le début, par exemple, comme King Street n'a pas voulu s'engager un certain nombre de recrutements, celui de Thierry Henry au poste d'entraîneur, etc. Et c'est clair que c'est un club qui va gérer, que c'est un fonds qui va gérer le club au cordeau. Et c'est pas, c'est pas un millionnaire ou un milliardaire individuellement qui est prêt à faire des folies pour monter un club. Ils sont pas dans cet esprit là quoi. Quand oui, c'est plus au compte-goutte. Pardon, Cyril. Vas-y. Non, c'est plus au compte-goutte pour le coup ce que va faire. C'est-à-dire qu'ils vont plus chercher à surveiller justement de quelle manière investir plutôt que à dépenser des 100 000 euros. Je pense parce que là, ils ont vraiment attaqué leur premier mercato estival en étant complètement aux commandes. Hein. Moi, j'ai une question, Patrick. C'est par rapport au fait que vous disiez tout à l'heure qu'ils avaient un capital. Moi, dans les leaks des Ultramarines, j'ai une phrase de Thiodé qui dit que le club, il est à vendre. Si le club, il n'est pas à vendre, ça ne partira pas avant 120 millions d'euros. Moi, je trouve quand même que l'évaluation du club est quand même... très très au-dessus de la valeur, je pense, du club. Est-ce que c'est une option chez eux ou est-ce qu'ils vont privilégier un dépôt de bilan? Est-ce que c'est une option pour eux? Est-ce que c'est d'abord la vente? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est clair que si un acheteur a 120 millions, je parier qu'il le vendrait, tout de suite. Le problème, c'est que après plusieurs spécialistes peuvent interroger et d'après tout simplement les résultats d'exploitation du club, les déficits, c'est vraiment pas la valeur du club. Aujourd'hui, pour les gens que j'ai interrogés, ils considèrent que les Girondins ne valent l'euro symbolique. Et la question, c'est plutôt quel niveau de dette est prêt à reprendre un repreneur. C'est-à-dire, un repreneur va voir King Street et dit, écoutez, vous avez vu dans quel état est votre club, moi je vous donne 0 euro. En revanche, vous devez encore rembourser 50 millions, mettons, à Fortress, hein, je cite un chiffre bizarre comme ça, vous devez encore rembourser 50 millions à Fortress, bon, moi je vous en rembourse la moitié, et le reste, je me garde de l'argent pour bâtir un effectif. C'est ça le scénario, mais aujourd'hui le contexte il n'est pas favorable à il y a quand même beaucoup d'entreprises qui souffrent de la crise économique, des perspectives qui sont pas très favorables à Bordeaux. C'est très important ça, devant le passage devant la DNCG, on sait pas si les matchs pourront accueillir du public en septembre. Voilà, donc bon, le contexte pour une vente, il est favorable sur aucun plan, en raison de l'état du club et en raison de l'état de l'économie. Sincèrement, je pense pas, cette hypothèse se dessiner, à moins que King Street décide de tirer un trait, parce que ils perdent quand même, ils risquent de perdre beaucoup d'argent chaque année avec des déficits importants chaque année. Donc ils peuvent décider d'arrêter et de vendre, mais ils n'ont pas 120 millions d'euros. Ça, c'est... Tirer un trait, c'est vendre ou c'est déposer le bilan? Déposer le bilan, ça veut dire quoi de déposer le bilan? Parce qu'on en parle souvent, mais en club de sport, déposer le bilan, ça signifie quoi exactement? Alors c'est comme toute entreprise, vous êtes dans l'impossibilité de faire face aux dettes qui arrivent, que vous devez payer, avec l'argent que vous avez dans les caisses. Donc là, vous dites, vous mettez en cessation de paiement, et ça ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Et là, vous pouvez avoir un repreneur qui vient acquérir votre club. Donc, c'est grosso modo, on ne peut plus payer ce qu'on doit payer. Donc, si King Street dit, regardez, moi, la société que j'ai créée pour acheter les Girondins, elle a tant d'argent que ça, et je peux plus payer, ils peuvent effectivement déposer le bilan. Et il y a une première étape, c'est que ils ne peuvent pas payer Fortress, rembourser l'emprunt de Fortress, c'est Fortress qui récupérera le club d'abord. Là, parce que le processus, comme décrivait M. Armstrong, spécialiste des fonds d'investissement, que la première étape, ça ne serait pas le dépôt de bilan, mais ça serait peut-être sans doute le transfert de propriété à Fortress, qui se trouverait avec les dettes, et qui pourrait à son tour éventuellement ou continuer l'exploitation de l'entreprise, s'il juge qu'il y a une chance que ça marche, ou déposer le bilan. Donc dans ce cas-là, en dépôt de bilan, on se retrouve face à un repreneur qui reprend le club pour pas grand-chose, qui a un grand avantage, c'est de pouvoir renégocier les salaires. C'est essentiel, ça serait essentiel aux Girondins dans cette situation-là, puisqu'il y a une masse salariale qui a décollé, qui est trop importante pour les recettes du club. Mais par contre, ça veut dire forcément une relégation. Alors, voilà, c'est la différence entre une entreprise classique et une entreprise de sport, effectivement, au moins en matière de football, que on punit un club d'être en cessation de paiement, de ne pas avoir assuré sur le plan économique, en le rétrogradant. On connaît ça à Bordeaux, puisque 89-90. Le club était dans cette position-là, et les repreneurs, donc Didier Lange, qui était au conseil d'administration, battu devant les tribunaux jusqu'au bout pour rester en Ligue 1. Donc ça, c'est le côté négatif de la chose, c'est repartir en Ligue 2. C'est vraiment pas le scénario idéal. Après, les Girondins ont connu ça, Marseille a connu ça. Je suis désolé de faire la comparaison avec Marseille pour Bordeaux, mais pour dire qu'on n'a pas été les seuls à cette époque-là à être rétrogradés pour des raisons financières, avec une interdiction de remonter en plus pour Marseille. Donc, ils avaient perdu sur ce terrain-là par rapport à Bordeaux quand même en 94. Voilà, l'avantage, alors ce que disait Stéphane Martin dans une interview que j'avais fait, l'ancien président, c'est que au moins dans ces cas, vous êtes sûr d'avoir un repreneur. C'est-à-dire que il y a toute chance que vous ayez un repreneur parce que la situation est plus favorable pour redémarrer. Et Bordeaux était reparti en D2, renégocier l'argent le contrat pardon de plusieurs joueurs. Patrick. Est-ce que vous comprenez, comment dire, vous l'avez dit tout à l'heure, King Street, comment dire, est en train de perdre beaucoup d'argent depuis qu'ils sont propriétaires du club, que ce soit, comment dire, qu'ils soient propriétaires des 100%, ou je crois que c'était 86% de parts du club. Est-ce que vous comprenez le choix de King Street, entre guillemets le choix, de continuer à s'occuper de la gestion du club, sachant qu'ils peuvent perdre encore plus d'argent au vu du contexte économique, et qui sera très difficile pour eux de regagner, comme d'avoir un retour sur investissement à l'avenir. Est-ce que vous comprenez ce choix de le garder et ne pas plus directement, comme vous le disiez, de vendre ou de passer la main à Fortress ? Moi, mon opinion personnelle et qui n'engage que moi, c'est que je n'ai pas compris pourquoi ils ont acheté les Girondins, et surtout à ce prix-là. Mais bon, voilà. Après, comme mon opinion personnelle ne compte pas, je me retourne vers le spécialiste des investissements que je vous. Et il me disait effectivement, ça paraît logique, c'est-à-dire que les fonds d'investissement ils cherchent en général des activités profitables et des activités qui vont pouvoir revendre, des sociétés qu'ils pensent pouvoir revendre à un meilleur prix qu'ils l'ont acheté en moyenne générale c'est 8 ans après les avoir achetées, et eux voient des choses que moi je ne vois pas. Ils voient que le business décolle, il voit que la tendance des droits télé est à l'augmentation, il voit qu'il y a de l'argent à faire sur le marché des transferts. Eux sont des businessmen, ils sont beaucoup plus compétents que moi, et donc ils achètent en se disant on va pouvoir y arriver. J'ai l'impression qu'ils n'aient un partenaire qui n'était pas le meilleur pour y arriver. GACP, qui eux, soit dit en passant, il faut le dire, sont sortis des Girondins avec... eux, ils n'ont pas perdu d'argent. Hein, ils en ont même plutôt gagné. Ah oui, c'est un côté qu'ils en ont gagné en management fee, c'est-à-dire la rétribution pour leur gestion. Ils en ont gagné parce qu'ils ont touché les frais de montage de l'achat pour leur rôle dans l'achat. Et quand ils ont négocié les conditions de leur départ, bref, ils s'en sont très très bien tirés. Ça, faudrait pas l'oublier un peu. King Street, donc, les pauvres, ils étaient quand même plein, hein, c'est eux qui ont décidé d'acheter. Ils doivent avoir un plan. Ce qui est important de situer aussi, c'est que il y a des tendances qui attestent que King Street a envie de réussir avec les Girondins de Bordeaux. C'est le fait qu'ils négocient avec la métropole et avec SBA pour être au moins co-gestionnaire du stade. Et l'équipe dirigeante a recruté encore récemment chargé des activités digitales, je crois, qui avait travaillé au Real Madrid, donc quelqu'un de haut niveau. Donc ça, c'est des signes qui montrent qu'ils ont un espoir d'arriver à réussir. Après, effectivement, s'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas réussir, ils ont cette capacité à arrêter les frais. La grande question, la grande énigme, c'est à quel point ils sont capables d'aller. Mais est-ce que c'était une volonté de leur part au départ? Parce que ça, c'est une question que je me pose, parce que j'ai l'impression qu'au début, je me rappelle de Da Grossa, de Varela, enfin surtout Da Grossa qui était dans les médias, qui parlait de sommes, d'objectifs sportifs, qui était dans une sorte de communication. Là, il se retrouve quasi moins d'un an après à reprendre le club derrière GACP. Il y a une direction qui est mise en place par King Street qui est en guerre ouverte avec les supporters. Pas qu'avec les supporters, mais est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion en fait? Est-ce qu'ils ne sont pas déconnectés? Est-ce qu'ils ne sont pas trop loin du milieu du foot? Alors, ce qu'expliquait le spécialiste des fonds d'investissement, je reviens toujours à lui parce que je préfère citer des gens qui connaissent, etc. Il rappelait que les fonds d'investissement, très souvent, achètent des sociétés mais ont un partenaire minoritaire pour assurer la gestion opérationnelle. Donc, c'est normal qu'un fonds d'investissement il soit un peu loin de la société, parce qu'il nomme des gens comme ça. Et au départ, c'était Joe Da Grossa et GACP. On se rappelle que quand les Girondins sont passés devant la DNCG pour faire valider le projet de reprise, il n'y avait que GACP, et il a fallu que dans le courrier de compte-rendu de la réunion, la DNCG, en validant le rachat, dise « La prochaine fois, nous, on veut que quelqu'un de King Street soit là ». C'était l'habitude. J'ai de bonnes sources appris que juste là, vous savez que le maire Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, de vouloir rencontrer des gens de King Street, a priori jusque-là, l'équipe des précédentes, les propriétaires précédents du club M6, n'avait pas rencontré le big boss de King Street, il avait assez peu rencontré un seul représentant de King Street. Et c'était l'habitude. Et je pense que c'est contraint et forcé qu'ils ont été obligés de prendre la gestion du club. Évidemment qu'ils l'ont fait. Vous avez Joe Da Grossa qui déclare devant la DNCG à la reprise du club, on va baisser les charges salariales pour équilibrer les finances du club. Au contraire, un an plus tard, il se félicite, on lui reproche le manque d'investissement, d'avoir augmenté ses charges salariales de 11 millions d'euros. Joe Da Grossa, il a fait beaucoup de com et rien de très constructif quand même. Donc effectivement, il se retrouve avec le bébé, il nomme une équipe qui était déjà là sur place quand même. Il faut rappeler, Frédéric P, il était directeur général. Délégué avant de devenir président, si je me rappelle bien. Et effectivement, ils ont été placés dans des circonstances qu'ils n'avaient absolument pas prévues, quoi. Peut-être obligés de mettre des gens à la tête du club qui qui n'était pas fait pour cela, et en tout cas qui n'était pas prévu pour occuper ces postes. Voilà, je ne me rappelle plus trop quelle était votre question, je suis désolé. Et évidemment, King Street était loin, voilà, c'est ça, c'est pour l'éloignement, parce que c'est un peu, c'est la nature des fonds d'investissement. Et ils ont l'habitude de confier à des salariés, de très haut niveau, des cadres dirigeants, mais qui sont quand même des salariés, la gestion du club, et de pas trop, trop intervenir. Ce que me disait David Armstrong, le spécialiste dont je renvoie, c'est que ces fonds d'investissement, eux, ils sont au contact de qui ? De leurs investisseurs, de leurs souscripteurs, ceux qui leur donnent de l'argent. Les clients des sociétés, la gestion quotidienne des sociétés, normalement, ça ne doit pas être leur affaire. Alors, Patrick, je suppose que donc l'équipe aujourd'hui qui est en place au Haillan, donc de M. Longuepé, etc., si j'ai bien compris comment dire, vos propos, s'occupe de la partie comment dire, opérationnelle. Mais est-ce que vraiment, comment dire, est-ce que King Street, comment dire, j'ai pas envie d'être méchant avec eux, mais à lui leur céder, parce que finalement, ces gens-là n'ont aucune compétence quasiment dans le monde du sport à proprement parler. C'est-à-dire que M. Longuepé, il me semble qu'il était plus sur le côté marketing lorsqu'il était en fonction au Paris Saint-Germain. Monsieur Thiodet, pardon, s'occupait plus du développement marketing lui aussi. Est-ce que finalement, comment dire, il n'y a pas une certaine erreur de casting dans le sens où ils ont plus nommé des responsables qui ont plus travaillé sur l'aspect commercial plutôt que sur l'aspect, comment dire, réussite pleinement sportive du club, ce qui va vous ramener à plus d'argent le côté commercial lui-même. Bien sûr, c'est une question qui mérite d'être posé. Il suffit de prendre le parcours de Frédéric Longuepé. Moi, je l'ai rencontré qu'une fois sur le côté sportif. J'ai interviewé à plusieurs reprises un économiste du sport du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, Christophe Le Petit. Il dit attention, ces gens-là, sur le plan marketing, sur le plan développement d'une marque, etc., ils sont très forts. Hein. Il reconnaît que plan relationnel, ça peut poser des problèmes, mais c'est son boulot. Effectivement, dans tout son parcours, si vous regardez, au Paris Saint-Germain, il était directeur chargé de marketing, pareil à la Fédération française de tennis, même chose à son poste précédent au comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Effectivement, oui, c'est pas quelqu'un qui est dirigeant sportif, c'est clair, c'est pas quelqu'un qui a cette c'est un ancien sportif de haut niveau hein mais et on peut penser qu'il a pas tellement le réseau même s'il était ami avec Paul Blanc là l'ancien directeur général de la Juventus et du PSG mais c'est pas tout à fait il a pas le profil idéal du président de club de foot clair. Et c'est, il n'était pas prévu qu'il soit président on a à l'origine avant que King Street se sépare de PP. Donc la question, tout le monde se pose, c'est est-ce que King Street peut s'apercevoir qu'il faut qu'il nomme quelqu'un d'autre à cette fonction-là ça, on le saura peut-être dans quelques temps. Finalement, c'est plus des choix par défaut, finalement. L'équipe en place, comment dire, ils ont dû, enfin, je suppose, hein, je ne sais pas, mais enfin, comme JACP, comment dire, était arrivé avec ces gens-là, puisque Frédéric Longuepé était là en même temps que JACP est arrivé, ils n'ont pas voulu, comment dire, apporter trop de modifications du fait qu'eux n'ont pas vraiment de compétences dans le club de football, et ont nommé ces gens-là, entre guillemets, par défaut, finalement. En tout cas, c'était une solution qui n'était pas prévue au départ. Qui a été imposé par le dérapage financier la première année et puis sans doute des divergences stratégiques quoi. Effectivement c'est pas le profil classique d'un président de club. D'accord. Moi j'ai J'ai une question sur le budget de l'année prochaine, parce que je vous écoutais tout à l'heure, Patrick, vous parliez que la DNCG allait être attentive à cela. On parle beaucoup de huis clos, peut-être sur une partie de la saison, voire une grande partie de la saison. On a un nouveau média avec MediaPro qui n'a toujours pas communiqué sur sa nouvelle chaîne. On parle d'un tarif quand même qui serait très très cher pour les Français, puisqu'on parle de plus de 20 euros, je crois, juste pour avoir la chaîne. Comment on va construire ce budget après Covid, quoi ? Est-ce que ça va être un budget normal ou est-ce que la DNCG va être très très attentive sur ça ? Alors, elle va être attentive et la construction est difficile. Déjà, sur les droits télé de MediaPro, vous avez vu que la Ligue de football professionnel a contracté un emprunt pour pouvoir combler auprès de chaque club la part des droits télé qui n'ont pas été versés pour cette année, parce que le championnat a été interrompu. Donc, plus Bing n'ont pas payé les matchs qu'ils n'ont pas diffusés. Donc, ce prêt de la Ligue a été fait pour combler le manque à gagner. Mais évidemment, il faudra le rembourser. C'est à rembourser. Ce prêt, ben oui, c'est à rembourser, c'est pas cadeau. La Ligue devra le rembourser, elle va le rembourser par les clubs. Et en fait, il semble bien que ce soit une avance prise sur les droits télé de MediaPro. Donc, il y a une partie déjà de l'augmentation des droits télé de MediaPro qui va servir à encaisser le choc du Covid cette année. Si j'ai bien les bons chiffres en tête, c'est une augmentation de 400 millions d'euros chaque année des droits télé par MediaPro. Là, le prêt de la Ligue, c'est 200 millions. Donc, ça va manger, entre guillemets, la moitié de l'augmentation des droits télé. Effectivement, la présence de public. Alors, MediaPro a dit qu'il allait honorer son contrat. Donc, il a répété. La construction du budget, c'est plus difficile sur le plan du public, évidemment. Hein, les recettes jours de match, ça représente, hors année de Coupe d'Europe, 12% du budget des Girondins, donc beaucoup. Les ventes de joueurs, c'est l'essentiel de ce qui permet d'éponger les sites. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres clubs de Ligue 1. Donc, il est extrêmement, extrêmement difficile à construire. Et enfin, pour moi, il y a des incertitudes énormes qui pèsent sur la capacité de construire des budgets. Est-ce que on va négocier comme au rugby ? Est-ce qu'on négocie déjà des baisses de salaire ? Salaire et des vraies baisses de salaire, c'est-à-dire c'est pas on baisse les salaires d'avril ou on reporte les salaires d'avril, mai, juin sur une période où on accepte une réduction, des réductions à l'année, des baisses de salaire. Apparemment, on entend que des clubs comme Barcelone et Madrid vont devoir le faire pour passer. Vous imaginez des clubs qui sont dans une situation florissantes, qui ont moins de réputation. Voilà, donc le contexte, il est très difficile pour bâtir un budget. Et il est d'autant plus difficile que vous étiez déjà, vous faisiez partie des clubs les plus déficitaires. C'est le cas des Girondins avec Lille et Marseille, mais Lille a la différence que ce n'est pas des actifs joueurs qui est très important. Et Marseille a la Ligue des Champions. Bordeaux n'a vraiment rien de tout ça. Et la DNCG, j'en termine juste, a musclé un petit peu, c'était prévu avant la crise du Covid et c'est maintenu, a demandé aux clubs de limiter la part de leur salaire, de leur masse salariale par rapport aux recettes, et également de bien assurer que si ces clubs s'endettent, ils mettent en face de l'argent frais pour être sûr qu'ils pourront terminer la saison. C'est vraiment des budgets qui sont compliqués à bâtir. Laisse poursuivre, pardon. Oui, non, mais c'était par rapport à la DNCG parce que moi je suis un vieux de la vieille et vieux de la vieille. Moi j'ai connu Bordeaux 90, donc avec la descente, avec donc cette peur de la DNCG. Mais ces derniers temps, avec Lille notamment, moi j'ai cette image de Lille avec un déficit qui était astronomique et ils sont passés à la DNCG. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu de pouvoir par rapport à avant ? Alors, faut bien se rappeler que Lille, je crois que c'était l'année dernière, a eu un recrutement encadré. C'est-à-dire que la DNCG avait validé les nouveaux contrats, dont celui de Loïc Rémy, par exemple, je me rappelle, parce que c'était dépendant du fait que effectivement Lille ait rétabli sa situation financière. Une des armes de la DNCG qu'elle peut appliquer à certains clubs et qu'elle peut appliquer au Girona. Écoutez, vous ne recrutez pas, vous ne vendez pas, et on encadre votre masse salariale. C'est-à-dire que si vous faites partir un joueur, mais vous en faites venir un, il ne faudra pas que ça fasse augmenter votre masse salariale. Ça fait partie de l'éventail des sanctions de la DNCG. Il est tout à fait possible qu'il y ait, c'est même ce qui se murmure, qu'il y ait énormément de clubs par ces mesures de la DNCG, c'est-à-dire recrutement contrôlé, masse salariale contrôlée. Ça peut très bien arriver, et ça serait la première traduction de la difficulté de monter des budgets pour la saison prochaine. Ah, il y a l'année dernière, la dernière saison où la DNCG a publié son rapport, donc la saison 2018-2019, il y a en Ligue 1, après transfert, 5 clubs déficitaires, Bordeaux, 6 clubs qui ont un bénéfice inférieur à 1 million d'euros, 9 clubs qui ont un bénéfice supérieur à 1 million d'euros. Ça veut dire qu'avec la crise du Covid dans le nez, si vous me passez l'expression, énormément de clubs qui vont être dans une situation fragile, avec un marché des transferts qui sera moins rémunérateur sûrement que les années passées. Et on sait que les clubs français réussissent à être à l'équilibre aux bénéficiaires ou à réduire leurs pertes grâce au transfert de joueurs. Donc il faut s'attendre effectivement à ce que la DNCG cette année prenne des mesures d'encadrement, mais elle en a pris dans un passé récent, hein, y compris les gares de Lille. Ok. Bon. Moi, j'ai. Lucas, tu as une question sur ce sujet? Non, tu peux y aller, Cyril. Ok. Moi, j'ai une question sur les politiciens, sur le fait que le sujet des Girondins devienne un sujet pour les municipales. Nous on est contents, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Girondins? Est-ce que ça veut dire une intervention de la mairie, ou est-ce que c'est purement, on va dire, de la communication de politiciens? Il y a un peu des deux. Déjà, cette crise-là, elle tombe clairement de la crise de l'image de la direction du club avec le milieu local. Il y a les ultras, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'anciens joueurs, il y a aussi des partenaires. Donc c'est forcément un sujet local. Et ça tombe dans l'entre-deux-tours le plus long de l'histoire des élections municipales à cause de la crise du Covid. Puisque normalement, il y a une semaine ou deux entre le tour de municipal. Là, on est à plusieurs mois. Donc effectivement, forcément, les politiques s'en saisissent quand ça atteint cette médiatisation. Alors, ça va être un débat entre les candidats. Ça, c'est le débat politique. Il peut y avoir des visions différentes de la façon dont la municipalité doit, métropole doit agir par rapport aux propriétaires des Girondins. Il peut y avoir des lectures différentes aussi de ce qui a été fait quand la métropole a validé le rachat du bout des doigts, quand même. C'était les lèvres. Voilà, ça c'est une question. Bon, ça on la laisse au débat politique. Et après, il y a qu'est-ce qui peut sortir de la rencontre entre Monsieur Florian et Monsieur le maire, oui. Voilà, et les responsables de King Street. Rencontre éventuelle, parce que. Mais ont-ils un pouvoir à cette mairie-là et à ce... Alors non, ils ont. Alors, ce que dit Nicolas Florian, quand même, on est propriétaire du centre d'entraînement du Haillan. On est. C'était ce matin dans le Sud-Ouest. Ouais, non, c'est dans le Sud-Ouest. Enfin, peu importe. Ouais, on est propriétaire du stade ou copropriétaire du stade. Voilà, il y a quelques moyens de pression, mais concrètement, ils n'ont pas de pouvoir. Tant que le seul lien véritablement juridique qu'il y a entre Il y a la location du centre d'entraînement, mais enfin, s'il y a un bail, il y a un bail, il faut le respecter. Tant que King Street paye le loyer du stade, il n'y a trop rien à leur dire. Alors, intéressant, est-ce que cette rencontre aura lieu quand et qu'un responsable de quel niveau? C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que les responsables des Girondins, a priori, n'avaient pas rencontré les big boss de. Oui, ils avaient rencontré Herman, Daniel Herman, il me semble. Je sais pas, moi, on m'a plutôt dit Niklas Vanden, c'est le. Oui, l'administrateur. Qui était basé à Londres, qui était administrateur du club et administrateur de King Street à l'époque. Il a quitté King Street, mais il est au conseil d'administration. Voilà. Bon, je n'ai pas non plus de précision, mais qu'est-ce qui va en sortir la question que pose Nicolas Florian, c'est. Je vais demander à King Street s'il est là pour investir dans le club sur le long terme ou s'ils veulent le revendre quelques années. Je ne sais pas si derrière, mais enfin, très bien que King Street, GACP et Joe Dagrossa le disaient, a priori, un fonds d'investissement, il est là pour 8-10 ans moyenne et après il revend. Il garde pas un club. Décennies. Parce que il y a peut-être une part d'affichage politique pour dire voilà, on se occupe des Girondins. Il y a peut-être aussi une volonté et sûrement d'apaiser la situation locale, parce que là, ça c'est tout western quand même qui est assez terrible. Mais le pouvoir sur la façon dont le club va gérer, dont King Street va gérer le club, l'argent qu'ils vont y mettre, je politiques n'ont pas ce pouvoir là quoi. Patrick, justement, par rapport à ce que vous dites, vous m'amenez à vous poser deux questions. Une première, c'est justement, je vais un petit peu répéter la question de Cyril, mais quelles peuvent être véritablement l'influence, comment dire, de la mairie dans la gestion du club faite par King Street, parce que ils ne peuvent pas, si vous voulez, enfin, je doute que la mairie puisse obliger King Street, comment dire, à employer telle ou telle manière à partir du moment où King Street est propriétaire du club et il le gère de la manière qu'ils veulent. Et la deuxième question que j'avais à vous poser, mais il faut que je m'en souvienne de cette deuxième question. Ça arrive souvent, pardon. Ça. Si vous voulez, je réponds à la première le temps que vous la retrouvez. Si ça vous embête pas. Oui. Le pouvoir sur la gestion financière, pour moi, il n'y en a pas. Le maire de la ville demande à rencontrer le propriétaire du club en se disant parler au président ne suffit pas, que le président est dans une situation inconfortable. Une des hypothèses, c'est par exemple qu'il demande un changement de méthode de gouvernance ou qu'il demande un changement de personne. Examine le problème entre les ultras et King Street. C'est plutôt un problème entre les ultras et Frédéric Longuepé Anthony Thiaudet. Un point très précis qui est celui de la gestion de la billetterie. C'est le point de départ. Vous êtes plus calé que moi pour savoir ce que pensent les supporters. Mais ce que je veux dire, c'est que les ultras étaient au départ. C'est intéressant de remonter un peu le fil. Avant le rachat, rappelez-vous, les ultras mettaient des banderoles partout en disant non au rachat. Voilà. Non au rachat par les fonds vautours, etc. On était dans une situation quand même extrêmement tendue à cette époque-là, cet été-là. Et puis, où c'était le printemps. Et puis, ils ont rencontré Joe Dagrossa. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après, les ultras étaient plutôt pro-Dagrossa. Ils disaient, faites-lui confiance, il nous a rassurés, il respecte l'identité du club et il est pour investir et pour s'engager à long terme, pour faire une belle équipe. Ça veut dire que c'est possible de retourner une situation qui est compromise. Et moi, dans mon souvenir, les ultras se remettent à position peut-être à cause de l'éviction de GACP, peut-être parce qu'ils ont perdu des interlocuteurs qui étaient plus sympas avec eux. Ça a été avant. Hein, hein. En fait, le discours de Davrosa, surtout, ouais, au niveau des ultras, ça passe bien, ça passe mieux à partir du moment où ils commencent à parler de sportifs et qu'ils font des promesses de recrutement. Dès que les promesses ne sont pas tenues, c'est déjà les relations étaient déjà tendues avec GACP. Ouais, exactement, okay. Parce que il me semble juste, je suis pas ultra, je suis pas leur porte-parole et je veux pas parler en leur nom, mais il me semble plus que les ultras justement attendaient de voir les actes justement après la rencontre qu'ils avaient eue avec Monsieur Labrosse. Il me semble que c'est ce que nous avait dit Florian Brunet l'année dernière. Il me semble, oui, voilà. Lorsqu'on l'avait eu en interview au studio. Quand il était venu, il nous avait parlé en fait de ça, de la manière dont ils avaient combattu sur le fait que du rachat, une fois racheté, derrière ils accompagnaient, ils attendaient de voir, ils attendaient de se faire une idée. Il y avait eu des promesses qui avaient été faites et clairement, et ils attendaient de voir si elles allaient être tenues. Ils avaient été rassurés et sur l'identité du club et sur les moyens. Bref, une présidence contre laquelle ils étaient au départ avait su les assurer et au moins avoir du temps et une sorte de collaboration. Mais moi, je pas pour dire que je pense que évidemment maintenant c'est parti tellement en vrille que le problème de la gestion de la billetterie c'est plus le seul sujet. Il y a aussi le traitement des employés. On va parler de David Lafarge. Voilà, il y a quand même eu des dossiers qui ont été mal dirigés par la direction des Girondins. On n'a pas encore évoqué les enregistrements sortis la semaine dernière qui rajoutent encore un peu plus, comment dire, à toute cette situation qui était déjà très tendue au départ. Je pense par exemple que si on cherche comment la situation peut s'arranger aujourd'hui. Est-ce que ça peut passer par un changement de méthode ou est-ce que ça doit passer par un changement de personne? Est-ce que le fait de s'engager sur une gestion de la billetterie classique, où on arrête de faire des choses qui sont passées auprès des clients que sont les terres des Girondins, que ça suffit? Ça, moi, je suis pas spécialiste de ça. Et C'est clair qu'il faut sortir de cette situation. Ouais, voilà. Et c'est même politique, parce que quand on entend que la direction veut porter plainte contre ses supporters, ça devient évidemment problématique. Patrick, si je peux me permettre, j'ai retrouvé ma question. Vas-y. Comment ça se passe lorsque, King Street, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà eu une entrevue, entre... Il me semble que vous l'avez dit tout à l'heure, Niklas van Daen et Nicolas Florian, donc maire de Bordeaux. Comment ça se passe lorsque ils se sont rencontrés une première fois? Et il me semble que après cette entrevue, Nicolas Florian avait assuré, que King Street apporterait donc une certaine pérennité financière au club. Comment ça se passe juste lorsque que ce soit Niklas van Daen, Daniel Herman? Je connais pas les quatre membres du conseil d'administration, mais comment ça se passe lorsqu'un représentant de King Street vient annoncer ça, à Nicolas Florian? Parce que leur dire simplement, oralement, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que moi, je peux très bien vous dire, par exemple, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis derrière, ne pas avoir les actes escomptés que je vous ai annoncés. Est-ce que là, cette fois-ci, au cours de cette réunion, King Street et ses représentants vont devoir apporter un vrai plan de financement sur la table de la mairie? Alors, je vais être honnête, comme je ne vois pas que le foot, moi, il y a des choses qui peuvent m'échapper et je n'ai pas le souvenir de cette rencontre que vous décrivez. Donc, je vais pas parler sur le sujet. Ensuite, sur les garanties que peuvent... donner un fonds d'investissement à une municipalité, ben c'est exactement ce que vous dites. Il n'y a pas de contrat. Il y a un contrat moral. Mais bon, le contrat moral, Davrosa, il est arrivé devant la DNCG en disant qu'il allait réduire les charges salariales et il les a augmentées. Entre un fonds d'investissement et une municipalité, c'est de l'image et du moral, mais il peut rien y avoir de contractuel, quoi. juste la garantie de la garantie sur le stade. C'est le seul lien contractuel entre, entre le repreneur et la municipalité, la métropole en l'occurrence. C'est quand même le fait qu'il n'y ait que le biais du stade en termes de sujet, en termes d'influence, comment dire, par rapport à la mairie, c'est quand même assez problématique dans le sens où finalement la mairie ne peut pas faire grand chose finalement face à cette situation. Nicolas Florian dit que c'est embêtant pour l'image de la ville, du patrimoine, etc. Mais finalement, lui tout seul, même maire de Bordeaux, ne peut pas vraiment, comment dire, avoir de remède miracle par rapport à cette maladie conflictuelle. Non, mais c'est extrêmement logique. Hein. On n'est plus dans les années 80 ou 90 où la municipalité de Bordeaux pesait beaucoup sur les Girondins et où, en général, les collectivités locales étaient très impliquées. Sociétés à objets sportifs, des sociétés commerciales classiques. Les seuls qui peuvent exiger des garanties, c'est la DNCG, mais c'est pas les municipalités. D'accord. Cyril ? Moi, j'ai plus de questions, si tu en as encore une. Oui, j'en ai une, notamment sur M. Longuepée, M. Ferré-Longuepée, aujourd'hui président des Girondins de Bordeaux, et qui se retrouve, on va dire, au cœur de, enfin, dans l'œil du cyclone, comment dire, de ce conflit. On a entendu, comment dire, alors, de la part de M. Longuepée et d'Anthony Thiodet, il me semble que M. Longuepée en a parlé aussi dans les enregistrements divulgués par les ultramarines la semaine dernière, de nombreuses attaques, que ce soit envers vous, envers l'intégrité donc du journal Sud-Ouest, envers des anciens joueurs, envers certains partenaires, les supporters, etc., etc. Selon vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de Frédéric Longuepée? Est-ce que Frédéric Longuepée se dit qu'il faut qu'il parte absolument avant que les choses s'enveniment, parce que c'est le seul moyen de régler ça? Ou est-ce que Frédéric Longuepée, comment dire, est plus dans l'optique de rester à s'accrocher et à améliorer, comment dire, la situation autour de ce conflit? Et vous, d'ailleurs, aussi, question parallèle, quelle est, vous, votre réaction par rapport aux attaques sur l'intégrité, comment dire, du quotidien sud-ouest? Moi, je ne vais pas avoir de réaction parce que ça engage mon collègue et mon journal. Après, je veux poser un truc quand même au départ, avant de parler de ce sujet. C'est que mettons-nous à la place de la direction des Girondins qui organise une réunion avec des partenaires, enfin le comité des supporters, et qui est enregistré à son insu et qui voit les enregistrements. Je les disculpe pas, mais mettons-nous à leur place si ça nous arrivait. Nous, moi, dans une réunion de Sud-Ouest, par exemple, avec des lecteurs, je vais me mettre à leur place. Vous voyez, au service des sports. Attendez, on est au service des sports, on rencontre des lecteurs, on leur parle, ils nous enregistrent et puis ils diffusent ça. Qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais, c'est assez déloyal, mais je me dirais aussi, j'avais qu'à faire attention à ce que je dis des lecteurs, des gens qui sont à l'extérieur du club. Donc, il y a un procédé qui est un petit peu délicat de la part de ceux qui ont enregistré et diffusé. Mais bon, il y a une communication qui n'est pas très maîtrisée, de la part de la direction des Girondins. Sur Sud-Ouest, il y a des réponses qui ont été faites. Je crois que c'est assez ridicule. Nicolas Legardien, il n'a jamais été ultra. Tout le monde sait comment il travaille. Chaque fois qu'il y a eu un problème sur la billetterie, vous trouverez Anthony Thiodet cité dans ses articles. Chaque fois. Il n'y a pas une fois où vous pourrez le prendre en défaut. Donc voilà, l'équilibre a été respecté. Et puis il n'y a rien de plus à dire dessus. Juste, si vous permettez, je tiens juste à rajouter quelque chose sur les enregistrements, en fait, sur la diffusion que ça soit très limite. On peut dire ce qu'on veut, les ultras en ont parlé, mais pour les enregistrements, en fait, il s'avère que ça soit la direction qui les a enregistrés, en fait. Et ils l'ont annoncé à la deuxième réunion, qu'ils avaient enregistré la première réunion et que derrière c'était des enregistrements. Alors comment ils se sont procurés les enregistrements, ça je n'en ai aucune idée. mais c'est la direction qui est à l'origine des enregistrements. Ce qui est là, c'est que ce procédé, comment dire, sur le plan juridique, est sans doute discutable. Après, même peut-être sur le plan moral, mais enfin, ce qui est dit, Patrick, c'est quand même extrêmement choquant. Pas que contre Sud-Ouest, d'ailleurs. Les salariés qui travaillent en chômage partiel, le partenariat, par exemple, avec les clubs amateurs, etc. Tout ça, comment dire, sont des propos, J'ai bien lu ce que disaient les ultras. Ils ont dit c'est assez grave pour qu'on prenne le risque et la responsabilité de les diffuser. C'est leur choix. Il est respectable. Simplement, quand c'est pour essayer d'être équilibré, puisque de l'impartialité. Bien sûr. Moi je vous l'ai dit, mais il y avait peut-être d'autres façons de prouver ou d'expliquer ce qui se passe dans ces réunions et certains propos qui tenus. Et puis on est de toute façon dans une telle tension est tellement embourbée qu'à la limite tous les coups deviennent permis et tout devient explosif, quoi. Quelle est la position de Frédéric Longuepée? Moi je lui ai parlé une fois. Il a dit que c'est la confiance de son acteur et qu'il était là pour longtemps. Ça doit être son état d'esprit. Et après, que nous dit la réalité, que vous avez des ministres qui peuvent dire je suis là en cause, ou les reproches qu'on me fait, je les encaisse, je les assume et je ne partirai pas, et qui le lendemain présentent leur démission. Moi, je ne sais pas du tout quel est son état d'esprit, ni ce qui se passera plus tard. Ça, je ne peux pas. Je connais pas assez le club de l'intérieur pour dire ça, quoi. J'ai une dernière question sur Frédéric Longuepée, Patrick. Vendredi, il me semble que c'était vendredi, on a vu, comment dire, passer une lettre de Frédéric Longuepée à ses salariés, donc qui s'est retrouvée diffusée sur les réseaux sociaux. Alors, de quelle manière elle s'est retrouvée là, je ne sais pas. Mais les termes, comment dire, employés dans ce courrier adressé aux salariés, est-ce que ces termes-là traduisent, comment dire, une déclaration de guerre du président des Girondins de Bordeaux aux supporters bordelais, et notamment donc aux ultramarins? Une déclaration de guerre, non, c'est un terme un peu fort. Et puis, là, on est un peu dans la cour de récré où chacun peut se renvoyer. Vous savez, c'est toi qui as commencé. Ou... La note interne, elle est à usage interne. Donc, elle a pour but de dire quoi? De se défendre face à ses salariés, de dire on tient la barre et on passe à l'offensive sur le plan juridique. Ça, une façon de dire on réaffirme qu'on est là, notre pouvoir, on sait ce qu'on fait. C'est assez classique, quoi. La déclaration de guerre, elle est pas là, la déclaration de guerre, entre guillemets. Enfin, le résultat, c'est de dire voilà, on va étudier les possibilités de déposer plainte contre les ultras. Ça veut dire on va se justifier ou à expliquer les choses ou à les arranger. On continue dans un affrontement entre deux forces qui sont tous les deux décidés à aller au bout. Hein. Que les Girondins, que Frédéric Longuepée et la direction des Girondins reculent pas devant des ultras qui sont même au pressing, quoi, sans cesse, c'est pas très étonnant quand même. Parce que les possibilités de conciliation, elles ont été ratées. La responsabilité sur l'un ou sur l'autre, mais les possibilités de conciliation, elles ont été ratées il y a des semaines, quoi. Pourtant, il y en avait. Hein. Monsieur Patrick, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité Et je tiens à remercier aussi le groupe Sud-Ouest de toujours nous répondre positivement à nos demandes d'interview. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on vous a reçu en cette période par Internet. Et un jour, qui sait, peut-être on vous recevra en studio. Ça sera avec plaisir. C'est un vrai plaisir pour moi. Ça aide de se confronter à des questions. Ça aide à réfléchir et à examiner les choses sous différentes options. Et j'espère avoir pu répondre. Bien sûr. Et c'était très instructif. Merci beaucoup. Oui. Je tiens juste à rajouter quelque chose par rapport à la presse. D'acheter la presse plutôt que de la lire illégalement. Donc, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur tous les journalistes. Et voilà. Donc, je tenais à apporter ma pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Merci effectivement, Patrick, pour votre disponibilité. À titre personnel, je ne veux pas parler au nom de Cyril, mais je suppose que lui aussi, comment dire, a pris beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec vous, parce qu'effectivement, comme dit, c'était très intéressant et très instructif. Et puis, j'espère également, comment dire, vous voir en studio et pouvoir avoir, comment dire... boire un verre. pourquoi pas, après tout. Bien sûr. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Ah ben, si ça peut être toujours aussi intéressant, et je ne doute pas que ça le soit, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci pour votre disponibilité, et j'espère vous recevoir en studio prochainement, lorsque la crise sanitaire, comment dire, ne nous compliquera plus la vie. Et merci en tous les cas pour cette disponibilité.